Серж Мартине, Suite. Прослушайте текст и скажите, когда Серж Мартине чувствует себя по-настоящему свободным. Pendant la récréation, Serge joue au football ou parle avec ses amis. À midi et quart, il sort du lycée. Il prend l'autobus et rentre à la maison pour le déjeuner. En général, son père rentre aussi et le déjeuner est plutôt long. Monsieur Martinet parle beaucoup et mange très lentement. Il y a toujours des hors-d'œuvre, de la viande ou du poisson, des légumes, du fromage et un dessert. Si son père n'est pas là, ça va plus vite et Serge a le temps de lire quelques pages de Jules Verne. L'après-midi, les cours commencent à 2h15. Serge n'arrive pas à écouter avec attention Monsieur Voisin, professeur d'histoire, qui aime parler de ses expériences personnelles, et ça, c'est plutôt ennuyeux. Pour passer le temps, Serge et son ami Gérard comptent les fois où le professeur dit « n'est-ce pas ?» Le record est de 30 fois en 2 minutes. Serge rentre souvent en autobus avec Gérard qui habite dans son immeuble. Mais quand il fait beau, Serge aime mieux marcher. Il rencontre souvent des amis, il parle de football ou des devoirs. Serge arrive à la maison à 6 heures. C'est l'heure du goûter. Après, il commence ses devoirs. Mais il n'arrive jamais à les finir avant 8 heures, l'heure du dîner. Après le dîner, Serge finit ses devoirs et récite ses leçons à son père. S'il les récite bien, il peut faire ce qu'il veut. Il regarde la télévision, il joue avec son chien, ou il travaille à son modèle d'avion. Quelquefois, il descend écouter des disques chez Gérard. Enfin, un moment de liberté.